Que certains feraient pour un passeport. Je suis le temps qui passe, je suis le souvenir quand tout s'efface. Je suis les sourires que l'on cherche, je suis les larmes que l'on verse. Je suis le temps qui passe, je suis le souvenir quand tout s'efface. Je suis les sourires que l'on cherche, je suis les larmes que l'on verse. Ils me demandent qui je suis. Je ne suis qu'un reflet qui cherche des réponses en plein cœur de la nuit. Ils me demandent qui je fuis. Je leur dis une époque, mais surtout des habitudes qui font de moi qui je suis. Je suis la tête, le cœur, les yeux, les pieds qui marchent en cadence militaire. Parce que dehors c'est la guerre. Je suis l'esclave, l'artiste, le révolutionnaire. Les mots que me répétait ma mère. Rien n'est impossible, tu peux être n'importe quoi. Mais n'oublie jamais d'où tu viens et prends garde à ce que tu vois. J'ai vu un homme tendre la main et l'autre lever les yeux. Et moi je suis pris entre les deux. Je suis Mars, Vénus, Neptune et Jupiter. Je n'ai rien dans les poches et pourtant je suis millionnaire. Chaque jour que Dieu fait comme une odyssée d'Homère. Je suis le temps qui passe, je suis le souvenir quand tout s'efface. Je suis les sourires que l'on cherche, je suis les larmes que l'on verse. Je suis le temps qui passe, je suis le souvenir quand tout s'efface. Je suis les sourires que l'on cherche, je suis les larmes que l'on verse. Je suis le temps qui passe, je suis le souvenir quand tout s'efface. Je suis les sourires que l'on cherche, je suis les larmes que l'on verse. Je suis le temps qui passe, je suis les souvenirs quand tout s'efface. Je suis les sourires que l'on cherche, je suis les larmes que l'on verse. Ouais. Je suis Montréal, Québec, New York, Toronto, Vancouver. Je suis l'Amérique, mais je suis aussi Gaza, Alger, Dakar, Brazza, Tunis. Je suis l'Afrique, mais je suis aussi Paris, Genève, Londres, Bruxelles, Marseille. Je suis l'Europe, mais je suis aussi Tokyo, Pékin, Hanoï, Mumbai, Bali. Je suis l'Asie, mais je suis aussi La Paz, Bogota, Caracas, La Havane, Port-au-Prince. Je suis ce que nous sommes.